buffets dans les restaurants participants. Le goût de Burger King. André Arthur, il est 8h30 à CKNU 100.9. Comment est-ce qu'il va après un long séjour? Quatre jours s'est passé. New York était belle. York était québécoise. New York était magnifique. C'est drôle parce que Pâques à New York, ça n'excite pas du tout les Américains. Les Américains, à Pâques, ils sacrent leur camp, ils vont ouvrir le chalet à Long Island, ils s'en vont dans les Catskills, ils déménagent, ils s'en vont, ils vident la ville et les hôtels en panne de clients appellent au Québec et disent aux agences, regarde, les chambres à 350$, on vous les fait à 55. Et on dit certainement, on suit un autobus pour qu'on arrive. C'est un genre de hors-saison? C'est ça, c'est un hors-saison de trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Parce que les Américains décrissent, tout s'arrête, parce que c'est la Pâque juive et la Pâque chrétienne en même temps, tout se vide. Et, étant donné que les hôtels sont vides, il loue les chambres à 50-55$. Les agences de voyage québécoises le prennent et c'est ce qui a créé depuis, mon Dieu, des années, le phénomène de Pâques à New York. Mais c'est un phénomène essentiellement québécois. Est-ce que tu as pu voir, j'ai lu en page A25 de la presse ce matin, un texte d'un gars de Boucherville, François Barrière, qui dit « Montréal, ville sale, you bet ». Il parle entre autres de Londres, de New York. Il parle d'un paquet de grandes villes qu'il a visitées. Il disait justement New York est de plus en plus propre à tous les niveaux, autant au niveau du crime, avec ce qu'on a pris maintenant comme mesure pour enrayer le crime, puis qu'on a rebâti des choses. New York est une belle ville et propre, mais Montréal est sale et ça pue. Hier matin, je me lève avant tout le monde et je saute dans l'autobus de la ville pour aller sur un stationnement chercher le véhicule intercar qui nous avait servi de monture depuis le début du voyage pour revenir à l'hôtel, charger mes passagers et prendre la direction du Québec. On fait des arrêts à Montréal, à Longueuil, à Belleuil, et puis on se revient à Québec. Bon. En passant dans la petite rue qui est, je crois, la 50e rue, je prends la 50e rue, puis j'arrive au coin de Broadway ou dans ce coin-là, et il y a un monsieur qui est manifestement un employé de restaurant parce qu'il a la chemise blanche, puis tout ça, mais qui a mis son veston de pluie par-dessus, même s'il ne pleut pas, qui, avec son boyau d'arrosage, est en train de nettoyer soigneusement tout le devant de son établissement de restauration, c'est-à-dire les 35 pieds de trottoir, là, il est fait au Q-tip. Okay? L'écœurant, gaspille de l'eau. Oui, c'est ça. Il pousse tout ça dans le caniveau, puis là, il s'en va dans le caniveau, puis il pousse tout ça vers l'égout pluvial. Donc, lui, là, son trottoir qui appartient à la ville, il n'y a pas un papier, il n'y a pas un snipe, il n'y a rien. Il a tout nettoyé comme faut, quasiment à la brosse à dents. Et moi, j'arrive juste à trois pieds de lui pour faire un arrêt, puis je lui fais signe que j'ai des moustiques dans mon pare-brise, puis je pars mes wipers, puis avec son arrosoir, il a tout fait mes vitres pendant que j'attendais ma lumière verte. Puis ensuite, pout, on s'est envoyé à main, puis je suis parti. Il y a un climat dans cette ville-là qui n'existe pas beaucoup ailleurs. Ben, regarde, c'est le genre de choses qu'on devrait faire en tant que citoyen, de nettoyer son bout de rue pour éviter de voir ces gros balais qui font juste soulever la poussière pour qu'elle tombe dans nos fenêtres. Si tout le monde prenait leurs balais et nettoyait leur devant d'asphalte de la rue, ça coûterait des millions en moins. On serait sûr d'avoir une très belle ville bien propre. Exactement. C'est un principe bien facile à comprendre. Mais ça, c'est toute la différence entre une société socialisante puis une société individualisante. La société socialisante qu'on s'est donnée, notre pays de cul, c'est le gouvernement s'en occupe. Yes. Donc, la ville responsabilise tous les individus en disant, mets-toi de tes affaires, le gouvernement s'en occupe. Puis, mets-toi pas ça, le gouvernement s'en occupe. Et on va répondre en disant, mané, si le trottoir en avant du commerce est sale, regarde-moi si le trottoir est sale, maudite gang de crottés de ville, on est là pour on paye des taxes, on peut plus capable de nettoyer, au lieu de prendre un boyau, puis un bon balai, puis de frotter un peu, de faire soi-même. Avec les nouveaux appareils à pression, comme les Karcher, qui développe des centaines de livres de pression au bout d'un petit jet d'eau, là. Nettoyer son parvis, là, juste le bout de trottoir puis de caniveau qu'on a devant chez soi, là, c'est un plaisir d'abord. Ah oui, c'est ce que j'ai fait l'après-midi. Je me sens mal, André. Hein? Je me sens mal quand je le fais. Ouais. Et ben, on sait comment il est agressant de ce temps-là avec les gens qui se nettoient, puis les gens qui veulent mettre des belles plantes, puis des choses. On est là, puis tu peux pas arroser, puis si tu te fais pogner à la nettoyer, on va te donner une amende. Puis je me sens comme quelqu'un, puis même si j'ai un compteur d'eau chez nous comme toi tu as, j'imagine, parce qu'on est venu cinq fois, je me sens mal pareil. Oui, et tu te sentirais encore plus mal si tu avais un commerce et que tu te permettais, comme le font tous les commerçants new-yorkais tous les matins, ça se fait à Paris, même à Paris qui n'est pas une ville propre, ça se fait, tu enlèves les crottes de chien puis tout ça devant ton commerce, tu pousses ça à la rue et tu aurais l'impression, si tu faisais ça sur ton trottoir, sur la Grande Allée, la rue Saint-Jean aujourd'hui, ou sur la rue Maisonneuve ou la rue Sainte-Catherine à Montréal, tu aurais l'impression de fourrer col bleu. Hey, je fais la job d'un syndiqué, c'est-tu correct, ça? Moi, à l'école, on m'a enseigné, mon professeur communiste m'a enseigné qu'il ne fallait pas prendre la job d'un syndiqué. Non, parce que tu peux couper des jobs, effectivement, des jobs en moins, là. Et on déresponsabilise complètement les gens. Et c'est flagrant. C'est flagrant. Je te dis, mon expérience d'hier matin, là, il est 7h20 au coin de la 49e ou de la 50e peut-être, et de la 7e avenue. Il y a un monsieur, un cuisinier, qui était en train de finir son trottoir, qui m'a fait mon pare-brise. As-tu l'impression, quand t'es revenu à Québec, qu'on était sur pause depuis 4 jours et que la neige était restée pareille comme quand t'es parti? Ouais, j'ai trouvé que devait encore pas mal. À New York, les arbres sont en fleurs. Là. Les fleurs commencent dans les arbres. Tu sais, les espèces de... juste avant les feuilles, dans certains arbres, arrive un espèce de petit fruit-feuille. Et c'est ça qui est en train de sortir. Les arbres pleins de menoux. C'est le coup de petite pensée pour toi. Je me suis dit, j'espère qu'il consulte quelques journaux. Je sais pas s'il est tombé, entre autres, je sais pas si tu remontes les journaux des villes environnantes. Il y avait un texte hier dans le Boston Globe qui parlait des Québécois comme étant des gens classless, qui avaient aucune classe, puisqu'encore une fois, pendant l'hymne national américain, lors du premier match à Montréal, donc le troisième match de la série, les Québécois, les grands connaisseurs en matière d'information internationale, ont hué l'hymne national américain, que ce soit n'importe quel hymne national, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Pour une deuxième fois en 2 ans, les Québécois ont réussi à faire ce qui se fait pas nulle part ailleurs, c'est-à-dire d'avoir l'air d'une belle gang de caves, mais on l'a fait encore une fois, on a hué. Ouais, je lisais les journaux là-dessus, puis j'essaye de comprendre pourquoi les gens font ça. Et je crois que c'est pas parce qu'ils prennent pour Montréal contre Boston, c'est l'anti-américanisme, para-antisémitisme québécois profond qui se manifeste encore une fois. De la même façon que quand j'allais au Stade olympique autrefois, j'étais toujours horrifié de constater que non seulement les gens restent assis durant les hymnes nationaux, que lorsqu'ils se lèvent, ils continuent à parler, à têter leur bière et ils gardent leur casquette sur la tête, mais pire encore, le service continue. Les placiers continuent à conduire des gens vers leur siège durant l'hymne national. Les barman continuent à transporter de la bière durant l'hymne national dans les locaux du Stade olympique. Et je reviens aussi à nos professeurs communistes dans les écoles du Québec qui n'ont jamais enseigné aux jeunes que l'hymne national de quiconque, le drapeau de quiconque, ça se respecte si on veut que le sien soit respecté. Si tu veux pas que les gens se décrottent le nez quand tu chantes « Jean du pays, le séparatiste », ben moi, quand on chante au Canada, ferme ta gueule. Je pensais que c'était du 50-50. Dan, qui était dans le Centre Bell, me disait que c'était... En tout cas, il y avait effectivement des gens un peu partout qui huaient, mais il y avait une grande concentration dans les balcons, et on sait qu'au Centre Bell, plus tu montes dans l'aréna, et plus c'est francophone. Oui. Parce que on peut penser que les Canadiens anglais, eux aussi, ont toutes les raisons. Quelqu'un me disait l'autre fois, ma famille est toute canadienne anglaise, et quand ils arrivent ici, ils commencent à se monter contre moi, parce que moi, j'ai mon petit drapeau pour supporter la guerre en Irak, alors qu'il y a des gens qui meurent par des peureux cachés, ou par des femmes qui cachent des armes, même on utilise des enfants pour arriver à son but. Il dit, moi, regarde, je les supporte, je mets mon drapeau, il dit, ma parenté arrive, puis commence à me dire, mais qu'est-ce que t'as à vouloir être du bord des Américains, cette gang de salauds-là? Quand c'est des Canadiens anglais, ça se comprend, tu l'as déjà expliqué, on l'a déjà expliqué, il y a de la jalousie, il y a un manque d'identité, il y a ci, il y a ça. Mais les Québécois, ouais. Ça, c'est encore plus embêtant parce que Nous, on est encore plus dépendants de leur économie. La preuve, c'est que, regarde le dollar qui est parti de 62 cents à 75 cents. Il n'est pas parti à 89 cents. Déjà, on trouve que le dollar est trop fort. Ça a coupé des dizaines et des dizaines de milliers de jobs au Canada. Et on est là, donc on sait très bien qu'on est... regarde, c'est deux fous d'une poche, là, le Canada et les États-Unis. Regarde juste un exemple, Jeff. Hier, vers l'heure du souper, à la fin de l'après-midi, à la colle pour entrer aux États-Unis, l'allée des camions qui attendaient, ta perte de vue, qui roulaient à 3 km heure pour passer les douanes, faisait 7,2 km. Hein? 7,2 km de camions de 53 pieds, bumper à bumper, qui avancent à peu près à 3 km heure ou qui n'avancent pas, et qui attendent pour entrer aux États-Unis chargés de marchandises canadiennes. Produits ici. Okay, et ça, c'est une des entrées. C'est pas l'entrée de Sherbrooke, c'est pas l'entrée de Toronto, c'est pas l'entrée des Mille-Îles. C'est juste la colle. C'est pas Détroit Windsor où l'ambassadeur Bridge était là. Regarde, c'est des milliards de dollars par jour qu'on exporte aux États-Unis. Par jour. C'est certainement un manque de connaissances, ou encore c'est soit un manque de connaissances, ou c'est futile. Je viens de me rendre compte, puis on me le montre dans les journaux à tous les fois, puis là, les politiciens nous le disent maintenant, on est un pays de cul, on est dernier partout, on est peut-être gêné, on est peut-être mal. Je suis un nègre blanc d'Amérique. Je suis un Haïtien du Nord. J'haïs les Américains parce qu'ils sont plus riches que moi. C'est une jalousie. Je ne vois pas beaucoup d'autre chose que ça. Il y a aussi une mentalité, la mentalité de la pognure québécoise. Pour te donner un exemple. En fin de semaine, j'étais dans un bel hôtel de Times Square. Groupe Voyage Québec nous avait installé dans le Renaissance de Times Square sur la 7e avenue. C'est un bel hôtel de qualité qui est occupé à l'année par des gens d'affaires qui entrent à New York. C'est un hôtel qui n'est pas bon marché, mais comme je te disais, grâce à Pâques, c'était moins cher. Et le groupe Voyage Québec nous avait installé là. Moi, j'avais parqué mon intercar plus loin. Bon, parce que souvent, les compagnies de broche à foin, ils envoient coucher le chauffeur au New Jersey comme s'il pouvait être... en tout cas. Et dans l'ascenseur, toute la fin de semaine, les gens... Des gens de mon groupe, c'est bonjour, comment ça va? La majorité des gens qui embarquaient dans l'ascenseur se regardaient le bout des pieds et ne répondaient pas quand on disait good morning, sauf les Américains. Mais les Québécois, tu leur dis bonjour, puis ils te répondent pas. Ils répondent pas. Ils ont la face entre les deux genoux, la pognure timide québécoise dans un... C'est quoi? Ils se sentent plus petits, ils se sentent losers. Ils sont gênés d'être là, ils se trouvent pauvres, je sais pas. Et c'est la même chose au Québec. Tu entres dans un endroit public, un ascenseur, tu croises des gens dont la silhouette t'est connue, tu leur fais un signe de tête, ils détournent la tête, les baptêmes de poignet. Ils sont pas capables d'être à la hauteur d'une salutation d'égal à égal. Parce que quand tu salues quelqu'un, c'est que tu es son égal. Si t'es un évêque, tu fais baiser ta bague. Si t'es un politicien, tu fais baiser le cul. Mais si t'es quelqu'un de normal, tu dis bonjour. Puis, c'est drôle, le Québécois n'a pas cette civilité-là. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est jamais capable de dire. Pas capable de dire bonjour. Il n'est pas capable de dire bonjour, il est mal à l'aise, il répond pas. Et pourtant, c'est juste hi ou good morning, tabarouette. C'est pas toujours pas dur à dire, là. Ouais, ouais. T'es rendu à New York, mais je crois que t'es pas capable de répondre good morning, sinon on retourne chez vous. Ouais. Comment tu fais de demander un café? Mais ils sont pas capables. Imagine-toi les gens qui sont dans l'organisation des Browns et qui ont entendu ça. Je pense à Martin Lapointe, qui est un combattant, un vrai de vrai. Pis on l'a vu comment c'est un gars lui avec d'Atlas quand Mike Ribeiro a fait un fou de lui lors du match de dimanche soir. Martin Lapointe s'est dit, mais gars, t'as tellement eu l'air calme en faisant la truite qui est en train de mourir dans le fond de la chaloupe que je ne répondrai pas à tes attaques. On lui a posé la question parce qu'il y avait un article hier dans le Boston Globe. Il était vraiment mal. C'est la même chose pour à peu près tous les Canadiens, mais Martin Lapointe dit, gars, je pense que c'est un grand manque de respect. Je pense à ces Américains qui sont là-bas en Irak, se battent pour les États-Unis. Ils n'ont eu aucun respect ici. J'espère et j'encourage les fans de Montréal à agir mieux au prochain match parce que ce n'est pas la place pour le faire et ce n'est pas la manière non plus. Si je suis embarrassé, oh yes, I am. There's no need for that. The national anthem should be respected. What they did tonight, I feel ashamed. C'est très gênant, mais oubliez pas que pour la majorité des gens qui vivent à Montréal, en particulier, Montréal étant un endroit tellement plus fin que les autres, c'est qu'ils sont fiers de ça. Hey, on les remontré de sud américains, on a dit qu'on a crié joue aussi quand ils ça, de sa grandeur de ville. Et c'est pas de penser qu'ils sont gênés. Non, non, non, ils sont pas gênés. Au contraire, ils ont mis, Don Cherry en joie le vert. Don Cherry, encore une fois, hier, livré un petit 5-6 minutes, gars, qui était, c'est du bonbon, Don Cherry. Excusez-moi, là. J'en demande un en français au sport. Ça me fait tellement de bien. Au lieu d'avoir les licheux qu'on a et qui posent toujours des questions pour avoir l'air fin avec les joueurs. Et qui tutoie les athlètes comme s'ils avaient la même brosse à dents. Ça m'énerve. Ben, c'est énervant, mais c'est parce que ça montre comment ils sont proches et comment jamais, quand il y aura une période difficile, ils vont être challengés. Tu peux compter sur moi. Ben oui. T'es my friend, hein? Ouais. Tutoie. Puis, t'as Don Cherry hier qui nous a ramassé en disant, gars, je suis certain qu'à Boston, les gens de Boston ont beaucoup, de place, beaucoup plus de classe que les gens du Québec et ils ne feront jamais ce genre de geste. Ouais, j'ai bien hâte au cinquième match. Pas sûr de ça. Ben, on va checker. Ouais, je suis pas sûr de ça parce que Boston, il y a... Dans beaucoup d'arénas américains, là, t'as la vraie, t'as du redneck en masse, là. Pas juste à Montréal qu'il y a des rednecks, là. Ouais, mais j'ai hâte de voir quand même entre la réaction de Boston et Montréal. Ils auraient peut-être pas commencé. Ils n'ont pas fait ça il y a deux ans. Ils auraient peut-être pas commencé ça. Ce qui a beaucoup aidé aux États-Unis, le sens du protocole, c'est que pendant des années, il y a eu le service militaire obligatoire. Donc les gens savent c'est quoi l'éthique d'un drapeau, d'un hymne national. Au Québec, on est nationaliste. On met des drapeaux partout. Mais on n'est pas patriote. On laisse les drapeaux effilochés voler au vent parce qu'on n'est pas fier. Ben ça d'ailleurs, ça a choqué des journalistes de la presse après le deuxième match où pendant après l'hymne national, les gens ont commencé à crier USA, USA, USA. Le journaliste trouvait ça bien bizarre de voir que il dit coudon, ils sont donc bien patriotes pour rien. Mais c'est parce qu'on comprend pas. On l'est tellement pas, nous autres, on est tellement pas attachés à ce que nous sommes, à ce que le drapeau représente. C'est toute la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Un nationaliste, un patriote, c'est quelqu'un qui est fier de son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui est jaloux des autres. On est profondément nationaliste au Québec parce qu'on est des peureux, parce qu'on est un petit peuple, on se sent menacé et assiégé. Eux sont patriotes, c'est un grand peuple, puis ils voient leurs défauts, puis ils voient leurs qualités, puis ont tendance à être fiers de ce qu'ils sont, puis à pas faire de nuances. C'est caractéristique des gens fiers. Tu regardes les gens fiers qui se promènent sur la rue, puis tu vois bien qu'ils sont fiers, qu'ils se voient pas du même œil que nous autres on les voit. Tu regardes des bonhommes de 60 ans qui se teignent les cheveux. Les gens qui se promènent avec des perruques, sont tout fiers, ils sont sûrs qu'on ne voit pas aller, nous autres. Puis que s'ils ont le bout des oreilles teintes du noir, c'est juste parce qu'ils ont voulu faire ça pas cher. Puis, ils sont fiers. Les Américains sont de même, ils sont fiers. Un drapeau est filoché aux États-Unis, là, tu vois pas ça souvent. Non, non. Puis si tu le vois, tu vas te le faire dire, là. Tu vois tout de suite quelqu'un intervenir, dire, hey, ton drapeau, il était filoché, là. C'est une insulte, là. Au Québec, sur tous les établissements, tu vois des drapeaux effilochés. Ouais, c'est partout. C'est partout. Un drapeau neuf, tu fais un saut quand t'en vois un. Ça, effectivement, ils sont décolorés. Tu vois qu'à cause du soleil, de la pluie, et ils sont vieux. Puis ça vient comme ça après quoi? 6 mois, un drapeau, c'est combien de temps? Ça dépend probablement de l'exposition aux intempéries, puis du soleil, puis du vent. C'est le vent qui les effiloche. Pas de danger. C'est le vent qui les effiloche. D'ailleurs, les drapeaux qu'on met sur nos véhicules, les petits drapeaux de scorpion qu'on a recommencé à porter avec le printemps, ils s'effilochent. Ça prend à peu près 2 semaines, tu vois commencer les petits fils qui partent, parce que c'est un tissage de soie, c'est le fouettage qui les brise. On va s'arrêter tout de suite, 2 minutes, André, si tu le veux bien, puis on vient. Restez à l'écoute. André Assure vous revient de l'autre côté de la pause. La radio qui s'explose à Québec. Les voitures les moins chères, voici la meilleure garantie au pays. 7 ans, 120 000 km sur le groupe motopropulseur, une garantie globale limitée de 5 ans ou 100 000 km, et en plus, l'assistance routière de 5 ans, 100 000 km. Roulez sans souci, la meilleure garantie au pays et les meilleurs prix. Détail chez Sainte-Foy Hyundai, rue Dalton, dans le parc Colbert. Avec Hyundai, vous êtes gagnant. Bonsoir, madame. Notre représentant en porte et fenêtre va passer dans le monsieur, les spécialistes. spécialistes de portes et fenêtres Québec ont tout rénové il y a 3 ans. Du beau travail. OK. On peut vous rappeler, disons, dans 20 ans. Portes et fenêtres Québec, les prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garantis 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Portes et fenêtres Québec, du beau travail. Votre nouvelle saison de golf débute par un passage à l'événement golf chez Swing de Golf, le long de l'autoroute 20 à Lévis. 2 pour 1 sur les souliers Reebok, 2 pour 1 sur les polos Greg Norman et 25% de rabais sur les nouvelles collection 2004. Sans oublier le plus grand choix de bâtons et de sacs au meilleur prix dans la région. Avec Swing de Golf, vous faites affaire avec des pros accrédités CPGA. Et pour mieux vous servir, venez voir notre nouvelle boutique à Sainte-Foy, sortie Jean Gauvin, à côté du IGA des Sources. Swing de Golf, toujours 100 verges en avant de la compétition. Quand vient le temps de choisir un Nissan, il y a toujours un air qui me revient. Hey, une Nissan Sentra 2004 à seulement 179 $ par mois avec un léger comptant. Capital Nissan, toujours un leader dans le marché de l'automobile à Québec. Ouvert aujourd'hui. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Il semblerait que la Ligue aurait accepté d'utiliser un kinball pour le prochain match du Canadien et les Browns pour que José Théodore paraisse bien aux yeux des journalistes de Montréal. José qui est en train de chier dans la pelle, André, ça va pas très bien, là. Il est plus capable de rien arrêter. Es-tu là, André? Non, ben là, j'y étais, là. Okay. Là, j'y suis. Je m'entendais presque. Chier dans la pelle? Ouais, et chier dans la pelle. Défini. C'est quoi cette expression-là? C'est la première fois que je l'entends. Je te dirais que c'est l'expression que j'utilisais en masse que j'ai entendue hier de la part de quelqu'un en ongle qui disait oh, Théo, tu es en train de chier dans la pelle. Je me disais, ça va, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ça, c'est quelqu'un là qui est en train de te laisser tomber bien raide. Là. Regarde, c'est... On met, tu sais, un chien que tu... qui est bien élevé, là, tu lui présentes la pelle, il s'installe, puis il fait ça dedans. Là. Non. Mais Théo, ça n'a pas été facile. T'aurais trouvé ça drôle en fin de semaine. Le but qu'il a donné à Patrice Bergeron en prolongation, puis après ça, les 2 autres buts qu'il a donnés dans le match qu'ils ont gagné, j'ai pas vu beaucoup de commentaires des Russes, des anglophones. Il y a 3 gars qui le défendent. Quintal, Brisebois, puis Ribeiro, le gars qui se vante aux yeux de tout le monde, qui a arrêté l'école en secondaire 3, puis qui n'avait pas besoin plus que ça, qu'il avait tout appris, puis qu'il allait faire une carrière au hockey, et qui fait la truite dans le fond d'une chaloupe. C'est les 3 seuls qui montrent un grand support envers Théo et les journalistes francophones. C'est très raciste, le Canadien de Montréal. Alors, c'est des clans. C'est la gang des Francos, la gang des Anglos, la gang des Européens. On dit que c'est bien pire qu'on ne le laisse croire à travers la machine de relations publiques. Pourtant, la machine nous dit que jamais il y a eu un club aussi uni. Ah, non, voyons. Ben, c'est uni, là, comme... c'est tissé, serré, serré, serré. Peu de commentaires. À moins que les journalistes francophones, souvent unilingues, qui posent des questions bizarres en anglais, n'osent plus aller voir les joueurs qui parlent une autre langue que le français. Et c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes joueurs. On a toujours les commentaires des mêmes gars. Ça en est triste. Ça en est bien triste. Petite découverte inquiétante de mon côté. Quoi? Guy Cloutier. Oui, qui est accusé de choses très vilaines, yes. Et dont la victime est fort connue. Guy Cloutier, sans qu'il sache, a une carte dans son jeu qui est considérable. Sa procureure de la couronne, c'est José Grandchamp. Et pour la majorité des êtres humains du Québec, José Grandchamp, ben, c'est José Grandchamp, puis les gens s'en foutent pas mal, c'est que ce soit une ou l'autre. Sauf que José Grandchamp n'en est pas à sa première cause de célébrité sexuelle. Elle a de l'expérience. On peut juger sa performance future à sa performance passée. Procureur de la couronne. Oui, comme procureur de la couronne. Mmh. C'est intéressant. José Grandchamp était la procureure de la couronne dont la job était de faire condamner Monsieur Roson. Roson. C'est José Grandchamp qui était là quand l'impayable Roson, Gilbert, a bénéficié du juge Béliveau d'une absolution inconditionnelle après qu'un juge en cour du Québec, si je me souviens bien, ait reçu son plaidoyer de culpabilité. Et oubliez pas, Et c'est là que arrive Mme Grandchamp et son beau talent. Mme Grandchamp est procureure de la couronne et elle est en cour, puis là, lui, il plaide coupable et il explique au juge que c'est la première fois de sa vie qu'il est dans une situation déplaisante avec une femme, qu'il a toujours eu un grand respect des femmes. Il te le fait à laïus, mon homme, là. Incroyable. Malgré ça, il me semble que le juge lui avait donné une petite sentence que M. Béliveau, en appel, a transformée en absolution inconditionnelle, si je me rappelle bien. Mais la performance de la couronne avait été, quote en quote, étrange. Madame Grandchamp était restée assise sur ses deux steaks dans sa toge quand Roson avait affirmé que cette femme-là, là, c'était la première fois de sa vie qu'il commettait une indélicatesse avec une femme. Madame Grandchamp reste assise sur ses deux steaks dans sa toge. Pourtant, nous à la radio, nous avions parlé avec une autre victime qui, à l'hôtel du Capitole, au moment où elle fêtait son 15e anniversaire de naissance, s'était retrouvée à passer la nuit au Capitole et avait eu la surprise de sa vie de voir entrer dans sa chambre en pleine nuit un Roson en robe de chambre, en peignoir avec les petits mollets poilus, qui est entré dans sa chambre avec une clé qu'il n'avait pas le droit d'avoir en pleine nuit et qui n'avait été repoussé que par le fait que, sans que personne le sache, la maman de la jeune fille, craignant que Roson ne s'approche car il s'était approché durant le souper, avait décidé d'aller coucher dans la chambre de sa fille plutôt que d'utiliser une chambre plus belle et plus éloignée que Roson lui avait fait fournir. Il y avait un Cerbère dans la chambre. Et Roson ne savait pas que la mère était dans la chambre de la fille. Et Roson a fait irruption dans la chambre de la jeune fille, au Capitole, en pleine nuit, en robe de chambre. OK? Et la jeune fille avait été offusquée de cela, et la mère aussi. Et la mère et la fille avaient été approchées par les policiers pour témoigner au procès de Roson, pour démontrer que c'était pas une première, l'affaire Roson. Et Mme Grandchamp n'avait pas jugé bon de faire témoigner cette autre victime pendant que Roson avait témoigné sans réplique que c'était la première fois. Mais la fille, she rides again, elle est avec Cloutier. Et c'est elle qui mène la charge là pour savoir c'est qui les gens qui ont lancé la rumeur sur l'identité de la victime. Ah ben oui, ça c'est une belle grande. On va enquêter les journalistes, ça va nous sauver d'enquêter les accusés. Eh bien oui. Et moi, je me rappelle de l'histoire de Roson. Une des choses qui me marque souvent dans ce genre de comportement, c'est de voir toute l'histoire qu'on fait alentour de... Vous savez, j'ai une vie irréprochable. D'ailleurs, ma conjointe me supporte. Elle est là avec moi, hein, chérie. Elle me connaît. Elle sait comment je suis un homme fidèle et un homme droit. Puis je n'aurais jamais fait ce genre de choses-là. Et tu te rends compte que quelques mois plus tard, ces femmes-là, une fois que tout le sac est fini, ils ont crissé le camp. C'est toujours le fun de voir le comportement des gens alentour de ces gens qui, en les écouter, n'ont jamais rien fait. Ça arrive. Et souvent, ces fameux le savent. Hein. Dans le cas de Guy Cloutier, tu as remarqué les commentaires sur Guy? On sait que Guy, c'est un coureur de jupons, là. Et puis Guy peut avoir les femmes qu'il veut. C'est quand même quelqu'un de connu, c'est un séducteur. C'est un gars qui a une grande gueule, donc il est capable d'avoir la fille qu'il veut. Mais ce genre d'histoire, non. Bonjour. Donc, la conjointe, celle qu'on appelle Jojo, était au courant que Guy, c'est un gars qui pognait, c'est un gars qui utilisait probablement son pouvoir pour s'amuser. Et ces femmes-là acceptent. Je ne sais pas si c'est par amour ou par le compte en banque qu'ils supportent, mais c'est drôle de voir que ces femmes-là, qui souvent sont des femmes de caractère, deviennent des petits chats, des petits chiens, des petits barbettes qui suivent le chum, malgré que le chum souvent s'amuse à aller dans les parties, puis à croiser, mais c'est accepté. Et là, maintenant, c'est la même chose pour les amis. Ben oui, mais on sait, tous ceux à qui je parle et qui connaissent très bien, très bien Guy, me disent tous la même chose. Tu sais, pour moi, Guy, là, regarde, je suis sûr et certain qu'il n'a pas été très fidèle à Joanne, même que j'en ai vu, là. Tu sais, c'est un gars qui est bon des femmes, mais pas à peu près comme rarement tu t'as vu. Mais jamais ça. Jamais. L'autre qu'on entend, c'est Angélil, c'est le casino. Cloutier, c'est les femmes. Les deux gars sont accrochés. Ah oui. C'est ce que les gens du milieu nous disent. Mais ça, c'est les François Renis de ce monde vont te le dire en privé, mais te le diront jamais à la radio. Voyons, ils veulent une entrevue avec une petite Cloutier plus tard. Oui, hein? Ben oui. Est-ce que tu penses, on jasait tantôt, moi j'ai jamais été un fan de Théo, j'ai jamais trouvé que ce gars-là était un grand gardien, par contre, je pense qu'il est capable de garder dans cette ligue-là, ça, je suis pas certain qu'il mérite 5 millions par année, peut-être un million et demi, puis peut-être d'être un gardien à se séparer la tâche avec un autre à presque 60 ans. Si ça fait Theodore, ça serait un deuxième gardien. Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, je regarde la vitesse que les pads sortent. Je regarde Ray Cross, je trouve que c'est un vrai gardien. En fait, il y a les mêmes pads que Garon. C'est des gars qui sont très vite, des pads, ça sort de partout, ils font de beaux arrêts. Mais Théo, je suis pas prêt à concevoir, par exemple, que les buts rentrent comme ça, puis tu le vois, il est mêlé. Il s'est barré dans ses patins dans la dernière game sur un lancé de 40 pieds, puis à rentrer. Quand il dit que ça l'affecte pas, puis quand il arrive dans le net, il pense pas. Moi, j'ai l'impression là que le père, les frères, les chums, le beau-père, ça commence à être lourd à porter. Là. Il commence à trouver moins drôle. Et who knows que finalement, il y a eu des discussions de fait depuis ce jour-là, depuis le grand jour, et que là, on en jase de plus en plus. Le silence de Véronique commence à nous troubler un peu. C'est bizarre qu'elle, qui est une femme dynamique, une femme énergique, c'est une fille qui est capable d'avoir... Hey, elle contrôle les médias, Véronique. Quand Véronique sort, tout le monde se met à genoux. Si Véronique, elle dit, regarde, là, on va attendre le procès, là, mais j'ai confiance en mon père, je ne crois pas que c'est arrivé, j'aime mon père, je le connais, c'est mon père. C'est quelqu'un qui dit, qui sort publiquement, elle le fait pour des niaiseries. Ils l'ont fait pour nous dire qu'elle est en amour, puis qu'eux autres, ils savaient c'était quoi l'amour. Rappelle-toi son couple avec Patrick Huard, où on sortait partout dans tous les médias pour nous dire, regardez-nous, ça c'est ça l'amour. Vous autres à la maison, vous savez pas c'est quoi l'amour. Nous, c'est l'amour. Regardez-nous. Dans ça-là, ils sont capables de vendre leur bonheur, de vendre un paquet de choses. Mais quand c'est le temps de confronter la réalité, ces gens-là se sauvent. Ces gens-là ne sont plus aussi forts. Les grands combattants qu'on pensait, les grandes personnalités fortes, ils deviennent des poodles. Ouais, c'est étonnant de voir jusqu'à quel point la célébrité, c'est une armure jusqu'à temps qu'elle tombe. Et quand elle tombe, ça devient un aimant. C'est bien étonnant de voir que jusqu'à quel point la célébrité va te protéger, te protéger, te protéger. Et bang, quand elle ne te protège plus, c'est pire que si tu l'avais pas. David Beckham, c'est ça, Dan, le joueur de soccer, la grande star du soccer européen qui est marié avec une ex Spice Girl qui a deux enfants, qui est la star mondiale en ce moment du soccer, mais aussi c'est une star en Angleterre de mode et de toutes sortes de choses. Il y a un scandale là, qui tourne alentour de lui, comme de quoi qu'il y aurait eu une relation avec une jeune fille de 26 ans qui était son assistante. Puis là, c'est partout. On sait comment que les Britanniques, quand ils tombent sur une histoire, hein, ça finit plus. Ben, c'est drôle, il a fui pas bien ben l'histoire. Encore ce matin, des commentaires. Regardez, là, je vais prouver que non, telle chose. Il s'est pas mis de côté, il s'est pas caché, il s'est pas sauvé. Il répond aux accusations, il répond aux rumeurs. Mais c'est ça que ça amène, là. Quand t'es populaire, quand ça t'amène des millions, quand ça t'amène de gros contrats, mais quand il y a un bout dur, fais-y face. Pee Wee Herman. Ah oui. Pee Wee Herman. Il poignait des petits gars dans les toilettes des cinémas. Pee Wee Herman. C'est ça. Est-ce que tu connais des femmes qui se sont fait taponner par Michael Chartrand? Qui est Michael Chartrand? Tigger. Dans le personnage de Winnie the Pooh à Disney World. Hein? Il était arrêté et on a trouvé en sa possession des séries de photos prises le montrant en Tigger en train de pogner les seins des femmes avec qui il se fait photographier. Et il y a eu une ou deux femmes qui ont commencé à dire, coudon, il va pogner les seins pendant que la photo, lui. Et non, mais il n'a pas senti rien, tu vois comment c'était pas. Ah, peut-être que c'est comme certains joueurs de hockey puis ils déchirent le fond de ses gants. Là, ah, peut-être. Oh, oui. Et ils ont porté plainte et là, ils sont rendus à des dizaines et des dizaines de plaignables, comme dirait le juge Martin, dans le comté d'Orlando, des Américaines, et ils s'attendent cette semaine à ce que la nouvelle se répandant. Ça va être des centaines de femmes dans le monde entier qui vont regarder la photo qu'elles ont en main, de la photo qui a été prise avec Winnie de peau, puis qu'ils vont dire, coudonc, il est en train de me pogner un sein, lui, là. Apparemment, ça va suffire à le condamner. C'est Michael Chartrand. C'est le personnage de Dindu qui est accusé, c'est lequel? Tigger, le tigre. OK, le tigre. OK, mais à ce sujet, j'ai une question parallèle. Est-ce qu'il y a un lien entre Winnie the Pooh et Dan Pooh? Oh, tabarouette. Ben, Dan, il vite. Dan, il vite des mains, là. Mais là, on parle pas de Winnie, c'est pas le taponneux, là. Non, non, ça c'est. Vous voyez, c'est le thé des verts. Ouais, ben, ils ont un certain lien, ils sont dans le miel, tous les deux. OK. Et ça. Et Tiguerre, apparemment, il y a les mains baladeuses. Sauf que. La police est assez trousse. Combien de gens embarquent dans ces. Je sais pas si tu as vu, Mané, quand ils sont là pour donner les signatures et les photos. Tu vois, Mané, qui s'en va comme prendre un break, qui revient, c'est un autre qui vient. Et il va y avoir un tigrou ou un tigre dans tous les parcs. Donc, imagine qu'il y en a 3 par parc et fois 4 parcs. Puis qu'ils font des chiffres de 4 jours. Ça veut dire qu'il y a au moins 36 personnes, ou pas loin, qui embarquent dans le costume. Parce que je me posais la question, effectivement, j'y voyais aller. Et ma petite fille de 20 mois, au moment où je suis allé dans le temps des fêtes, quand le signal est arrivé, elle a dit « Non, papa ». Donc, elle l'a probablement senti, il devait avoir dégagé une odeur de maniaque sexuel, mais je peux pas comprendre que le gars s'amuse à pogner le 16. C'est des costumes qu'il doit avoir à peu près. Je l'ai pogné, j'ai donné la main. Tu sens rien. C'est tellement épais que tu sens rien. Alors, lui, non seulement il sent quelque chose, mais il garde la photo. Et il garde les vidéos, et c'est à sa résidence que les policiers ont saisi toutes les preuves nécessaires à sa mise en accusation. Mais on s'attend qu'au-delà des dizaines de plaignantes de la région d'Orlando, vont s'ajouter cette semaine des centaines de plaignantes du monde entier. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme peine si quelqu'un qui couche avec une fille de 17 ans et demi, on lui remet son passeport et qu'il voyage et qu'on va lui donner l'absolution, on vient avoir temps pour promener. Je pense que l'heure du fouet est passée, mais que c'est le téléphone d'en parler. Yes. Michael Chartrand. Après, j'ai pas de voix pour me défendre ce matin. J'ai jamais fait de mascotte. Tu fais pas de mascotte. Non, pas de mascotte. Winnie the Pooh et Dan Pooh sont pas le même temps. Il y a IW, là, boum, boum, boum, on a essayé, puis ça rentre pas. OK. Et Badaboum et Marcel Aubu. Badaboum, je sais pas si Marcel rentre dedans, mais ça aurait bien fité. Tu sais, quand si. Parce que moi, j'avais fait remarquer qu'eux non plus, on les voyait jamais ensemble. Sauf qu'on en connaît un, je pense, Badaboum. Hein? Oui. On en connaît un, nous autres, personnellement, qui a fait Badaboum. Et c'est pas Marcel. Non, c'est pas Marcel. Il sent pas le smoke meat, puis le gras. C'est pas le genre de gars arrivé chez Saint-Sursul, smoke meat, puis il dit, et un sandwich, juste du gras, s'il vous plaît. Puis là, ça coule sur sa chemise, puis les gens regardent l'orage de gras qui coule sur sa bedaine. Yeah, okay. André, bonne semaine, ça va être une courte semaine. Ouais, salut, André. Salut, bye.